je t'ai prise avec de la rubalise. Je t'ai prise avec de la rubalise. C'est l'amour qui a explosé. Lorsque je t'ai attaché, toi et moi, parfois on fait des bêtises. Moi je t'ai prise avec de la rubalise. C'est beau comme un site archéo. Tu as tes mains derrière le dos. Toi tu as activé la pyrolyse. Moi je t'ai prise avec de la rubalise. Ton corps de rêve entre mes doigts, c'est toute l'Argentine qui est là. Je t'ai prise avec de la rubalise. Je t'ai prise avec de la rubalise, avec de la rubalise.